Assalamualaikum. Bien ak ben maçon la won quoi mu am problème ak entrepreneur bi patron am quoi ci chantier bi gaay di xulo ba ci yag rek ñu commencé di xex xam maçon ñom seen loxoy dañuy waw kong deugur rek maçon bi tour entrepreneur bi ci kanam keng rek waji def figuré wu la wax kanam gi yeb ñang melni du loxoko door rek entrepreneur bi dess de ko porte plainte dem ci commissaire ne ko ki martelo mo door xol sama kanam gi nu mel ñu ni i way na d'accord mu jox convocation maçon bi maçon bi ñew taxaw commissaire commencé ne ko yi may yow da nga dof nit noko mëne door marteau hein xol ki kanam mi ni ko da nga dof hein li nit noko def mu ne billahi commissaire ki door mako marteau sama loxo rek la ko door mu ne yow baye fen li loxo da mëne def billahi commissaire ki sama loxo la ko door mu ne sa loxo nga ko door d'accord on va vérifier cela fekk commissaire mu ngi door ben ndal bu set wécc bo xamantene non rek mu simi béré bi tek na la ne ko eh nga ne kii sa loxo nga ko door on va voir ça acca dóoral waa ji sëgg pour xaar kii bi dóor maçon bi mu ne ko yi commissaire man bëggum dóor mu ne ko eh dóoral laa la wax exécute mu ne ko ah rek waa ji xàcc rek dóor këng waay dóor bu porté laa la wax mais commissaire bi fu mu sëgg xamul fa sëggoon ba waa ji dóor quoi ci diggu bopp bi mais fu mu sëgg noonu mënatul sigi bopp bi ndax dóor bu tiis dóor bu saf commissaire bi yëngal bopp bi tuuti yëngal bopp bi gauche droite tuuti rek ne ko da nga fa ne gisuma marteau bi acca indil mbécile dóor bi saf na